Bonsoir à toi, téléauditeur qui m'écoute à travers ton moyen de diffusion préféré. Ici Damien, et pour être tout à fait honnête avec toi, depuis mon dernier épisode sur l'Écosse, je n'ai pas repodcasté. J'aurais dû, mais disons que je commençais à m'agacer de moi-même. C'est un sujet que je vais revenir un tout petit peu plus tard. Et du coup, au lieu de reprendre quelque chose sur des souvenirs qui deviendraient faux, de dire un petit peu n'importe quoi, je préfère mieux mettre court à la conversation. Alors, oui, vis-à-vis de moi, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour continuer ce podcast? Réécouter mes notes. Sauf que je commence à avoir quelques réflexes, je commence à un petit peu m'énerver de m'agacer entre mes attentes et mes réalités, entre ce que je souhaite faire et les réalités que j'ai. Et du coup, entre le moi personnel dissocié d'un groupe, le moi du groupe, le moi dans un autre groupe, et bref, je crois qu'il y a différentes attentes et différentes perspectives. Je pense que ce soir ça va être très égocentré, peut-être philosophique. Je pense qu'à un certain moment on a tous une prise de conscience, certains l'ont à la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. C'est ce petit coup de vieux qui te fait rappeler que, comme quoi, tu n'es pas forcément immortel et que un jour ou l'autre, ben, tu es un connard comme les autres. Hein, oui, c'est un petit peu volontaire que je dis ça. Hein, c'est mon côté attention war qui ressort. Justement, ce côté, je suis là, j'existe. On est dans un groupe entre nous, et oh les gars, je m'incruste. C'est un petit peu ce côté-là de Jeune War que j'essaye d'insuffler. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est une personne individuelle, on a des réflexes, on a des idées, on a toute une sorte de personnalité qui nous est propre parce qu'on est une seule personne. Quand on est dans un groupe, suivant le nombre de personnes, on a ces attentes qui diffèrent. Quand on est dans un groupe de travail, on a, je ne sais pas, des ambitions plus proches à son milieu professionnel. Quand on est entre amis, on a plus la volonté d'être soi-même entre amis, faire les cons. Et justement, quand on est en live, je pense qu'il y a côté attention war, je peux être cité, donc du coup je vais faire ma putaclic, et comme ça je vais être cité et être un petit peu plus connu. Je pense que c'est cet aspect qui m'attire, on va dire, dans les lives, et qui fait que je dis pas mal de conneries et que je regrette après. Alors, ça peut être des lives très sérieux comme des lives moins sérieux. Hein, je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes qui peuvent me faire la remarque a priori, a posteriori, sur le terme de propos tenu. Hein, Canton, si tu m'écoutes, hein, tu vois très bien de ce que je veux dire, et j'ai très bien compris aussi ce que tu m'as dit sur Twitter, mais voilà, autant que ça soit dit, je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont concernées, comme Puff, et puis je sais plus qui. Bref, ces excuses vont à qui de droit. Voilà, j'ai aussi participé, on va dire, à des émissions en public où là aussi j'ai fait mon attention war. Mais là, plus dans le bon sens du terme, parce que c'est souvent les animateurs qui demandent au public de montrer qu'elles sont là. Et je crois que pour certaines émissions, comme la bande originale, ou si tu écoutes J'annule tout, où j'ai participé vraiment à ces deux émissions une fois vraiment en public, j'ai pu vraiment faire porter ma voix, et quelle était ma satisfaction après de m'entendre gueuler dans le poste de radio, dans un replay, justement, entendre ma belle voix rauque, bien portante, à la radio. Non, je déconne, c'est... Voilà, faut vraiment... J'ai vraiment été là pour faire de la présence, le rôle du public. Mais est-ce que c'est pas aussi le rôle du public de faire sa pute. De dire, attention, on est là, on dit n'importe quoi, on sait qu'on va pas être cité, on sait qu'on est dans le bas peuple, mais est-ce qu'on doit aussi être là pour s'attirer les faveurs des puissants, des grands, quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est vraiment une question qui doit se poser au niveau personnel de tout un chacun. Mais voilà, moi, on va dire, l'idée de base que j'ai, c'est vraiment, on est là pour soutenir, on va dire, une initiative, qu'elle soit bonne ou mauvaise, autant la soutenir et de aussi se différencier, de proposer une alternative différente, aux voix. Même si c'est complètement quelque chose de complètement sérieux, hein. Mais au-delà du commentaire, même trollesque, proposer une alternative au propos original de l'auteur. C'est vrai que c'est chiant, hein, d'avoir un commentaire totalement hors sujet, je le conçois, hein, en tant que community manager ou. Je pense à une personne très particulière qui m'a fait cette remarque à la maison de la radio. Certains de mes commentaires vont très loin, ça je le sais. Je vais trop loin et je sais pas, je sais pas, c'est. Et je pense que c'est un petit peu le propre à chacun, c'est quand on est trop emballé par un projet, on tente d'aller loin, de le porter ou de ne pas le porter, et d'aller loin, de faire son, de dire bah voilà, on est là, on est dynamique, et puis de faire un petit quelque chose comme ça. Donc là, j'ai vraiment mesuré, on va dire, une certaine mesure, on va dire, entre les personnes. Qui réagissent, les personnes lambda, et puis sans doute moi, et puis sans doute les trolls, parce que les trolls sont très importants, on va dire. Les trolls, c'est un petit peu les personnes qui sont là pour dire, eh oh les gars, vous êtes bien sympa, mais vous prenez un petit peu trop le melon. Et je crois, je sais plus où j'ai entendu cette étude, où justement, dans un groupe, il y en a qui étaient neutres, qui suivaient plus ou moins le groupe. Il y en avait qui étaient déviants, je pense que je fais partie de cela, et ceux qui étaient totalement réfractaires au groupe. Et je crois que, même si je suis déviant dans ce groupe, je fais un. Ce qui ne doit pas être fait, ça cache quand même quelque chose de paradoxal chez moi. C'est que je suis tout le temps seul, je n'aime pas le monde, et quand je suis soit derrière mon écran, soit en public, soit en concert, ça m'arrive justement au Café Charbon, et maintenant que j'en suis bénévole, ça veut dire que j'ai passé sans doute un cap que de. On va dire. Du Gus qui profite du concert, il est au stade du gars qui veut contribuer au bien-être des gens dans le concert. Donc je crois que justement quand on commence à passer ce cap, c'est vraiment qu'il y a je vais pas dire un changement de mentalité, mais presque d'auditeur, de spectateur, on devient acteur plus ou moins de la scène. Donc ça veut dire que on commence à ne plus prendre soi en considération, mais les autres. Je pense que c'est assez important dans ce genre de situation de ne plus penser à soi et de penser aux autres. Et je pense que si les gens n'osent pas, c'est qu'ils font déjà penser aux autres avant de penser à soi. Ce qui est un petit peu dommage, mais très civil de leur part. Je ne cache pas ça. Mais est-ce que est-ce que de là, on va dire, à se pavoiner en disant je suis le meilleur, je suis le plus fort, j'ai la plus grosse attention vis-à-vis de vous, présentateur ou quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent. Et c'est quelque chose que je dois encore travailler. Mais voilà, est-ce que Maintenant, à vous si vous voulez me répondre, est-ce que vous aussi vous vous sentez différent dans un groupe, entre vos amis, entre et vraiment, est-ce que vous commencez vraiment à vous insupporter? Est-ce que, comme moi, le ton de votre voix, est-ce que le rythme de votre voix, votre opinion de vous dépend de ce que vous êtes, de ce que vous faites? C'est Voilà, c'est aussi pour ça, je me dis, je vais me remettre en question ce soir, un peu seul, certes, mais est-ce que c'est pas plus mal qu'une personne ne soit là, nous dise, tu es grand, tu es responsable, mais là tu as dépassé les bornes, je te bannis pour que tu comprennes un petit peu mieux les règles et que tu reviennes un petit peu plus sereinement. Je pense que ça serait intéressant qu'il y ait quelques mesures un petit peu comme ça, surtout sur les lives, les libres antennes, des choses comme ça, pour éviter d'accaparer un petit peu la parole sur des propos qui peuvent être répréhensibles par la loi, juste parce qu'on a voulu faire son attention war. Et aussi, sans bannir, on va dire, la liberté d'expression qui est quelque chose, je pense, d'important, mais juste de dire, ben voilà, tu as été un petit peu trop loin, Maurice, tu as poussé un petit peu le bouchon loin, mais vas-y, calme-toi, et puis dès que tu es calme, tu reprends la course avec nous, et on sera très content que tu parles de tes sujets qui t'intéressent. Alors, après, c'est vrai qu'on peut parler de tout et de n'importe quoi sur ces sujets-là. Je pense que c'est un autre débat et que ça sera dans le cadre d'un autre podcast, d'un autre épisode de podcast. Ça va faire à peu près 13 minutes. Je pense que c'est assez. Je vous dis pas la semaine prochaine parce que je sais pas si la semaine prochaine je serai motivé par un podcast. Mais voilà, je vous dis sans doute à très bientôt et dès que l'occasion sera bonne pour moi, je n'hésiterai pas à rediffuser un autre podcast. À bientôt!